Si commence un miracle de Notre-Dame, de Robert le Diable, à qui il fut enjoint pour ses méfaits, qu'il feste le fol sans parler. Et depuis Notre Seigneur eut merci de lui. Cela se passe devant la forteresse demi-ruinée de Robert le Diable, durant le règne embarrassé de Charles le Simple. Une troupe d'hommes du Nord avait alors envahi cette partie de la Neustrie, où Robert le Diable était né. Autour d'un feu de rameau, un soir que les guerriers se réchauffaient, en chantant les faits d'armes de leur prince, joyeux d'être dans un pays moins dur que le leur, ils aperçurent un vieillard pauvrement vêtu, appuyé à un tronc d'arbre, et lui dirent « Bonhomme, chante-nous quelques chansons de ce pays. » Le vieillard s'approcha d'eux, et d'une voix humble, entonna la belle prose de Saint-Étienne, comment le premier des martyrs rend hommage à notre Seigneur Jésus, et supplie le ciel de pardonner. Par une agréable harmonie, faites l'éloge de Saint-Étienne, célébrez par vos accords le courage de ce héros. La cour céleste applaudit à cet invincible athlète. Au martyr qui tâchait de l'imiter, cédez la première couronne à ce digne chef. C'est lui qui est entré le premier par la voie sanglante du martyr, qui a reçu la première palme par une cruelle mort, en la compagnie d'une multitude de bourreaux bien armés. Il se présenta à leur coup, transporté de joie de périr par une heureuse plaie. Renversé à coups de pierre pour le nom de Jésus-Christ, il offre son sang et ses prières à Dieu pour le salut de ses ennemis. À la voix d'un martyr, mourant si courageusement, Jésus-Christ se rend juge d'un combat pénible, qui à lui seul rend la récompense. Sa foi n'est pas abattue d'un si cruel tourment. Frappé de tous côtés par une grêle de pierre, il demeure ferme et intrépide. La terre est teinte du sang fécond qui s'est répandu, et produit une armée victorieuse de héros. Ô vous qui précédez les martyrs à la gloire, suppliez le Seigneur d'accorder la victoire aux soldats de son Christ, dans les combats qu'ils ont à soutenir, que les vices soient détruits, qu'une grâce salutaire soit accordée à chaque combattant, et que ceux qui remportent la victoire soient récompensés de la gloire éternelle. Ainsi soit-il. Ce chant déplut à la bande des barbares, et le pauvre vieillard fut repoussé avec brutalité. Il tomba sur un genou, sans faire entendre une plainte. Au même moment, tous les soldats se levèrent en présence d'un jeune homme, qu'on reconnut, à la démarche et au ton d'autorité, comme le fils d'un puissant seigneur, qui dit aux soldats qui maltraitaient le vieillard « Va-t'en, méchant lâche, qui insulte un vieil homme sans défense. Ceux qui insultent les vieux et les faibles ne méritent pas d'avancer parmi les braves. Et vous, bon vieillard, venez à ma table. C'est au chef de réparer les torts de ceux qu'il commande. Jeune homme, que ce que vous faites, plaise à Dieu qui aime la justice. Quant à moi, ce n'est rien, dit le vieillard. Je ne puis avoir de rancune contre quiconque. » Il se nomma, et raconta son histoire, ses odieux crimes, et sa conversion, par les nombreuses instances de sa mère. Sa pénitence qui devait durer encore longtemps. Il dit aussi comment la grâce de la foi et du repentir était entrée dans son cœur. Là d'émotion, je m'étais assis sur des ruines de pierre et m'y endormis. Ô béni soit mon bon ange de m'avoir envoyé ce sommeil. À peine avais-je la paupière close, que j'eus une vision. Et il me sembla que la montagne sur laquelle s'élève le château du Moulinet s'élançait jusqu'au ciel, formant un escalier. Sur les marches, une foule d'images s'élevait lentement, où et là je reconnus mes crimes. C'étaient des femmes, des jeunes filles mortes par ma faute, et des vassaux déshonorés, des vieillards chassés de leur chaumière demandant l'aumône de pain. J'aperçus aussi, qui s'élevait, des maisons brûlées, des moissons détruites, des troupeaux, les espoirs et soins d'une vie entière de travail, sacrifiés à un instant d'orgie. Dès que je vis l'ange monter rapidement, mes membres se mirent à trembler comme une feuille, et je lui dis, « Où allez-vous ? Je conduis tes crimes devant le Seigneur en témoignage de toi. tous mes membres devinrent alors comme des herbes au feu, et je dis : Bon ange, ne pourrais-je pas effacer quelques-unes des images ? Toutes si tu le veux. Mon Dieu ! Et comment ? Avoue-les en confession, que ton souffle les dissipe. Pleure-les en pénitence, que tes larmes nettoient leurs traces. Le vieillard confessa que sa pénitence se faisait en errant, en guenille, n'ayant pas d'autre nourriture que ce qu'il prenait aux chiens. J'ai connu tous les plaisirs du monde, et y avais trouvé quelques joies, mais plus encore dans les fatigues mortelles, les misères des dures humiliations de pénitence, car elles expient mes fautes. C'est ainsi, étranger, quelque fortune que le ciel vous assigne, cherchez d'abord à pratiquer la justice du Seigneur Jésus-Christ. Les barbares étaient figés, et le vieillard se tut. Puis il prit le jeune chef, nommé Relon, duc des Normands, et le conduisit sur la fondation du château, et montrant toutes ces vastes contrées que la Seine arrose, il lui dit : Jeune homme, Dieu récompensera en vous le noble cœur qui protège le pauvre vieillard. Voyez ces terres si riches, elles ont été à moi, et maintenant encore, après Dieu, elles n'ont pas d'autre possesseur légitime que moi. Je vous les donne. Faites y régner la foi et l'équité, et je me réjouirai de votre règne.